19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour la 828e fois exactement, avec du métal en fusion, comme toutes les semaines. D'ailleurs, croyez-moi qu'avec le froid qu'il fait en ce moment, ça va nous faire le plus grand bien. Ce qui vous attend ce soir, bien sûr, c'est des choses par rapport à l'actualité, et surtout des nouveautés qui seront au nombre de 4, dans des registres complètement différents. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer avec ce qui était une des nouveautés donc la semaine dernière, c'est-à-dire le premier album du groupe Holz, qui s'appelle Hill, qui est sorti donc fin janvier, qui est pour un premier album vraiment une belle réussite, enfin, si, de post-metal. Enfin, si vous aimez ce style, c'est vraiment montagne russe, on passe à des passages lourds, à des passages plus acoustiques, enfin, bref. C'est pas fait pour les cœurs sensibles. Extrait donc de cet album, on va se faire le morceau Brief et on va se faire le morceau. Vous voyez, je commence déjà à bafouiller. Last Deep Breath, avec sa petite intro Brief. Thank you. Last Deep Breath et sa petite intro brief. Ça, c'est deux extraits de Hill, le premier album de Holes. Voilà donc pour bien commencer l'émission. On va se faire la première nouveauté. Là, je vais vous inviter à voyager très loin dans le temps et l'espace avec Wardruna. Donc, je vais vous emmener du côté des Vikings, exactement en Norvège, avec le groupe de néo-folk Wardruna, qui vient donc de sortir son sixième album qui s'appelle Birna, ce qui signifie l'ours. Je le sais parce que non pas que croyez pas que je parle l'ancien roi, mais bon, j'ai lu quelques chroniques et puis il y a la traduction des paroles en anglais sur le livret. Donc basé plus ou moins sur le concept de la vie de l'ours, étant donné que c'est assez compliqué. Enfin, si vous aimez ce genre de musique, vous allez adorer. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de disque qu'on passerait si par exemple on fait la vaisselle ou une activité quelconque, parce que je pense qu'on n'en entendra rien. Mais si vous vous asseyez dans votre canapé, les yeux mi-clos, vous laissez à rêvasser, ouais, ça le fait. Donc, extrait de cet album, on va se faire Ertan. Donc, Ertan, ça signifie le cœur. Thank you. Chamanique, hein. C'est clair qu'en fermant les yeux, on se croirait dans une forêt sombre et humide, habillée en viking, avec un prêtre en train de nous faire, de nous bénir, faire je sais trop quoi avant de partir au combat. Ouais, c'est clair que je pense que c'est un peu l'effet voulu de cet album Birna, comme tout le reste de leurs albums, donc de Wardruna. Donc c'était le morceau Urtan, et donc c'était la première nouveauté de la soirée. On va se passer quelque chose de beaucoup plus rock maintenant, avec une fierté locale. Les Burning Heads, et Burning Heads qui ont sorti un très bon album, comme tous d'ailleurs, l'année dernière, qui s'appelle Embers of Protest, mais surtout les Burning Heads, ils seront en concert samedi soir à l'Astrolabe, comme c'est souvent le cas à chaque fois, et cette année là, ils seront accompagnés de Topsy Turvies, un groupe de Poitiers, et des locaux de la région d'Orléans, puisqu'ils sont du côté de Vinci, Never Comply, et je crois qu'il reste encore des places, donc samedi soir, si vous avez envie de vous éclater sur du bon punk... Ça peut le faire. Moi, je sais que je ne raterai ça pour rien au monde. Et ben, pour se mettre de l'ambiance, on va se passer un petit extrait donc du dernier album dont je vous parlais, Embers of Protest, sorti l'année dernière. Et on a peut-être envie de jouer avec le feu avec Pyromaniac. We'll be right back. Pour Tribal Engine for Metal Player, c'est leur dernier album Affreux de paix, c'était Naître ou Ne pas être. Juste avant, les Burning Heads avec Embers of Protest, qui est leur dernier album sorti l'année dernière, c'était le morceau Pyromaniac, et je vous rappelle que les Burning Heads seront donc en concert samedi soir à l'Astrolabe, comme c'est le cas toujours à chaque sortie d'album. Allez maintenant faire un petit tour en Suisse avec le nouvel album du groupe de métal alternatif Trank qui s'appelle The Maze et qui est une belle réussite, comme son prédécesseur d'ailleurs. Et je pense que si ce groupe était américain, il aurait une autre notoriété. On va pouvoir juger ça de suite avec Chameleon, extrait de cet album. Sure. Avec son dernier album The Surface Seems So Far, c'était Walls Come Down, juste avant venu de Suisse. Trunk avec leur deuxième album The Maze, et c'était Chameleon. Et on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée à 19h36 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est bien Electric Shock, Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Bah tiens, on va se faire un peu de death metal, enfin du black metal, avec le premier album d'un groupe qui s'appelle Usquam, qui existe depuis 2018. Et bien qu'ils aient déjà sorti un premier album, un EP en 2021. Alors musicalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est un mélange de black, de death, de doof, de post-metal. Il y a plein de choses. On peut par moment penser à Behemoth, Navelgar, Dark Funeral, Anorexia Nervosa, enfin bref, des textes en français, latin, anglais, enfin bref, tout un joyeux mélange. Toujours est-il que ce premier album qui s'appelle Ex Nihilo, qui est sorti le 31 janvier, vous voyez, comme quoi tout chaud et tout bouillant, eh bien je pense que ça va plaire aux amateurs du genre. Extrait donc de cet album, Axis Mundi. We'll be right back. peu de brutalité dans ce monde de finesse. C'est pas ça qu'on dit? Non, je crois que c'est plutôt l'inverse, mais enfin, c'est pas grave. Putain que ça décrasse les oreilles, ça. C'était donc les revenants de Gurkhas qui, après plus de 20 ans d'absence, reviennent, donc avec un best-of intitulé A Life of Suffering, qui était également le titre de leur deuxième album et sorti au début des années 2000. Et évidemment, c'était le titre qu'on a eu à l'instant. Sinon, dans un genre aussi bien brutal aussi, premier album pour le groupe Usquam, Ex Nihilo, et c'était le morceau Axis Mundi, et c'était aussi la deuxième nouveauté de la soirée. On va se faire un petit tour maintenant en Hollande, retrouver l'album un peu fourre-tout de D-Lane sorti en fin d'année dernière, qui contient donc un nouveau morceau réenregistré avec la nouvelle chanteuse, titre live, version instrumentale. Donc, qui s'appelle Dance with the Devil, c'était le nom du morceau inédit. Eh bien, je me suis dit pour ce soir, on allait faire une petite version live de April Rain, qui était donc le titre du deuxième album sorti en 2009 et qui était vraiment une belle réussite. Donc, on va peut-être faire une version live de ce morceau. of Ritual, extrait de Colors in the Dark, le quatrième album de Taria, mais là c'est une version live, extrait de son de nouveau live, Rocking Hills Live at Hellfest, enregistré donc au Mythic Festival en 2016, mais c'est sorti en fin d'année dernière. Sorti en fin d'année dernière également l'album un peu fourre-tout de D-Lane, Dance with the Devil, et là c'est une petite version live de April Rain qu'on a eue. Eh bien, pour la suite, ça, on va changer de registre encore une fois. Là, on va faire un tour du côté du sud des États-Unis, alors que le groupe est originaire de Lyon. Mais il faut dire que l'ambiance est plutôt à la poussière, au sable, aux grandes étendues désertiques. On se croirait presque d'un western de Sergio Leone. Enfin, pas tout à fait quand même, je dirais plutôt, comment dire... Bon, enfin bref, avec un nom comme Diesel Dust, bon, bah, je crois qu'il n'y a pas trop pris sur la marchandise. Donc Diesel Dust, que vous devez commencer à connaître, parce qu'on a déjà passé quelques extraits ces dernières semaines. Ils ont sorti un excellent nouvel album, Just Another Day. Et on va aller voir les collines noires, puisque c'est les Black Hills dont il va être question maintenant. About my childhood land, things I know down there too. Where all the white houses echo out the laughs, the way I pee by the river. Now and what the town told me is real. So once. But mother, there is no one to blame, no one to blame. I hope our children will never know what it happened. For this land that once was mother, there is no one to blame, no one to blame. I hope our children will never know what it happened. Avouez qu'on s'y croirait presque, hein. On fermerait les yeux, on sentirait le soleil, le vent et le sable de nous bercer, enfin bref. Pourtant, ils sont lyonnais. Diesel Dust avec donc Black Hills, donc de Just Another Day. On va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée, une petite découverte que j'ai fait cette dernière semaine. C'est un groupe qui s'appelle Cornucopia. Alors déjà, rien que le nom, déjà, ça m'a interpellé. Cornucopia, je vous rappelle que c'est le titre d'un des morceaux les plus lourds de Black Sabbath sur le volume 4, donc déjà ça ne pouvait que m'intéresser. Et quand on voit la pochette également, c'est un dessin donc d'une femme, d'une prêtresse, certainement d'un culte païen oublié depuis très longtemps, dans l'esprit des affiches des films de la Hammer. Vous savez, cette compagnie britannique a fait beaucoup de films d'horreur dans les années 50, 60, donc beaucoup de Dracula et Christopher Lee. Je dis que ça ne peut que m'intéresser. Donc du coup, après avoir vu une chronique intéressante, j'ai pris contact tout simplement avec le leader du groupe, qui a eu la gentillesse de m'envoyer donc son EP qui s'appelle The Midnight Hour EP. Bon, c'est sorti l'année dernière, certes, mais bon, pour Electric Shock, c'est une nouveauté, puisque ben, voilà, je l'ai reçu ces dernières semaines. Alors, évidemment, avec un nom comme ça, on peut se dire que, ben, évidemment, l'ami Tony Iommi a fait des émules, et effectivement, on retrouve le son de guitare lourd, cher à notre guitariste de Black Sabbath, mais on y retrouve aussi d'autres influences, genre Iron Man, Count Raven, Pentagram, Saint Vitus, enfin, toute cette joyeuse compagnie. Le seul reproche que je ferai au groupe, parce qu'il y a des choses très musicalement très intéressantes, c'est que le chant est un peu trop linéaire et manque, comment dirais-je, d'expressivité. Voilà quoi. Enfin bref, peut-être que ce sera à corriger lors d'un prochain album. Donc de ce EP, on va se faire The Lurking Dead. again. Come on, I haven't got much left. Just give me a few days to heal, okay? Then we'll start again on the left hand and... Me. I beg your pardon? Feed me. Tui, you talked. You opened your trap. You sing and you sing. Feed me, Clawbon. Feed me now. I can't. I'm starving. Look, maybe I can squeeze a little more out of this one. More. There isn't any more. What do you want me to do, slip my wrists? Oh, boy. Look, I got an idea. I'm going to go down to Schmendrick's and pick you up some nice chopped sirloin. Must be blood. Tui, that's disgusting. Must be fresh. Yeah. ça, qu'est-ce que c'est bon. Premier coup de cœur pour 2025 pour Electric Shock, Dead Acid People avec Feed Me, extrait donc de l'album du même nom, et sa petite intro appelée Audrey, comme le nom de la plante de la petite boutique des horreurs, si vous connaissez ce film mythique des années 60, film d'horreur vraiment très très drôle. Et juste avant, c'était Cornucopia, avec un extrait de son EP, The Midnight Hour EP, The Lurking Dead, était le morceau de ce soir, et c'était également la troisième nouveauté de la soirée. On va changer complètement de registre avec une petite exclue que je vous ai présentée déjà il y a quelques semaines. Alors si vous êtes fan de Marillion, j'imagine que vous êtes jaloux en vous disant « Ah, j'aimerais bien avoir cet album aussi ». C'est le CD de Noël que j'ai reçu donc en début d'année 2025. Mieux vaut tard que jamais, qui s'appelle « What a Wonderful Time of Year », jeu de mots avec « Wonderful » et « WDR » qui est la station de radio allemande, qui a enregistré donc le concert de Cologne du 2 juillet 2017. Et on va se faire un petit extrait donc de cet excellent concert avec un classique extrait de Afraid of Sunlight, c'est le superbe Behind You. We'll be right back. like a heart tied or a soul crying, exhausted and insecure. Took all you have and I still want more. So I reach out for you. But all I do is hurt you. Hurt you. I can't live with myself. I can't live with myself. I can't take my hair. I try to walk through, but I can't get behind you. I can't get you. If I was a child, I would take you. Beyond You, Marillion, extrait de l'album What a Wonderful Time of Year, album exclusif, donc exclu pour Electric Shock. On va se faire la nouveauté, la quatrième de la soirée, et je vais vous emmener faire un petit tour en Belgique, découvrir un groupe qui s'appelle, alors je ne sais pas si je prononce comme il faut, Pvrs, P-V-R-S, voilà, qui s'appelle Solstice. Alors déjà, petite histoire, l'album est sorti en février 2024, et la promo n'a commencé qu'en fin d'année dernière, en fin novembre, début décembre, moment où j'ai reçu l'album, et c'est pour ça qu'on en diffuse comme maintenant. Alors, Pvrs, c'est un groupe assez récent, puisqu'il s'est composé en 2023. Ils n'ont pas perdu de temps pour sortir leur premier album. Alors, comment dire, musicalement, c'est entre un doom tirant vers un post-rock assez sombre, très lourd, mais également assez aérien. On peut penser à Hangman's Share par moment. Enfin, il y a des choses très très intéressantes. Et pour un premier album, croyez-moi que, bah d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été chroniqué dans Rockhard du mois de janvier, comme Trank d'ailleurs. L'album s'appelle donc Solstice. On va écouter tout de suite le morceau qui s'intitule God. The Silent Era et son premier album White and Deep and Cold. Ça aussi, c'était une belle réussite. C'était donc Strange to Me. Juste avant, venu de Belgique et quatrième nouveauté de la soirée. Ça aussi, c'est leur premier album Solstice et c'était le morceau God. Et ça, je pense que ça va être vraiment un groupe à suivre. Et bien maintenant, on va revenir au live posthume du groupe britannique Magnum, qui donc c'est ses activités suite au décès du guitariste Tony Clarkin l'année dernière, juste au moment où sortait leur ultime album studio. Seulement, peut-être qu'ils avaient eu, je sais pas, une intuition ou autre, ils avaient enregistré et filmé leur dernier concert de la tournée de l'album précédent à Wolverhampton. Il était donc disponible en DVD sur la version Deluxe du dernier album sorti donc l'année dernière. Et là, il est sorti en double CD ou en vinyle au choix. Et donc, on va se faire les deux classiques de la légende britannique, extrait donc du live at Kakers Steel Mill. On va se faire d'abord Rocking Chair, extrait à l'origine de l'album Goodnight LA qui était sorti en 1990. Everybody. Travel on! Eyes et Rocking Chair, donc deux extraits du Live at KKL Steel Mill, album live posthume du groupe Magnum. Bah tiens, si vous savez pas quoi faire jeudi soir et que vous avez envie d'écouter du rock 70s, et bah faut aller à Paris au Trabendo, car The Wolf, le groupe hollandais, sera là-haut. Et The Wolf, si vous avez l'occasion de connaître, c'est un mélange de Deep Purple et des Allman Brothers. J'ai eu l'occasion de les voir il y a quelques années, je dois avouer que j'ai pris une claque. On aurait cru faire un bond de 50 ans en arrière. Tellement les gens sont impliqués, même le look et tout, et les morceaux qui font 3-4 minutes sur album en font 15 sur scène. Enfin bref, c'est complètement différent. Bah tiens, pour se faire une petite idée, on va se faire un petit extrait du Live and Out of Sight 2 qui était sorti en 2019. Et on va se faire un petit morceau qui s'appelle Medicine, enfin petit façon de parler. I didn't feel a thing when I found my body lying all alone in this cold bed. Just wonder how it could have made me so pale. It must have been these chemicals, baby. I must have lost my head. I must have lost my head. Mama did not see. To get you near. Living on a God's promise that you never. Said you never walked. To the from here. Me, baby, I'm Bon, je suis désolé, vous n'aurez pas les 30 dernières secondes du morceau. J'ai cru que ça allait quand même pouvoir le faire jusqu'au bout. Mais bon, la platine, visiblement, fait de... Comment dire, de la résistance. Elle n'aime pas The Wolf, voilà. Donc, c'était Medicine, extrait du Live and Out of Sight 2 de The Wolf, donc qui sera en concert jeudi soir au Trabendo à Paris. Eh ben tiens, si vous avez envie aussi de vous éclater avec la légende GBH, ils seront de retour en concert à vendredi soir à Montreuil à la Marbrerie pour un unique concert en France. Donc pour les, tous les fans à ne pas rater. On va se faire bah tiens, justement du GBH pour terminer la soirée avec un extrait de l'album Live in Japan sorti en 1993 et enregistré à Kawasaki en 91. Et on va se faire deux petits classiques. Tout d'abord, City Baby Attack by Rats. City Babies Revenge, City at Baby Attack by Rats, extrait du Live in Japan de GBH. Voilà, c'était donc les deux derniers morceaux pour Electric Shock ce soir. Alors maintenant, place à Electro Live. Alors je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a préparé ce soir. On va voir ça avec lui. Salut. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux amis nightclubbers fans de Electro Live ce soir? Un set tech house, purement que de la tech house, et en direct sur Twitch, si vous voulez nous voir. Donc, son et lumière. Yes. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire 96.2 Electro Live, tout de suite, maintenant. Moi, je vous dis à mardi prochain. Salut à tous. Radio Arkansas 96.2.